Men. Hey, men. Hey. Hey, men. Yeah, man. Thank you. Espionne quoi, putain, le heya heya, le grand maître, putain, le respect, grand maître nain, il est il espionne, putain, le heya heya, dans le sac à dos, le grand maître, rempli de matériel, putain, rempli de toutes sortes de matériel, quoi. Le nain rempli dans le sac à dos, plein de trucs à vendre, quoi, rempli de sacs de matériel, putain. Ha ha ha.